C'est le chien. Monsieur Lepic et sœur Ernestine, accoudés sous la lampe, lisent l'un le journal, l'autre son livre de prix. Madame Lepic tricote, grand frère Félix grille ses jambes au feu et Poil de Carotte par terre se rappelle des choses. Tout à coup, Pyram, qui dort sous le paillasson, pousse un grognement sourd. Chut! Fait Monsieur Lepic. Pyram grogne plus fort. Imbécile! Dit Madame Lepic. Mais Pyram aboie avec une telle brusquerie que chacun sursaute. Madame Lepic porte la main à son cœur. Monsieur Lepic regarde le chien de travers, les dents serrées. Grand frère Félix jure, et bientôt on ne s'entend plus. Veux-tu te taire, sale chien? Tais-toi donc, bougre! Pyram redouble. Madame Lepic lui donne des claques. Monsieur Lepic le frappe de son journal, puis du pied. Pyram hurle à plat ventre, le nez bas par peur des coups, et on dirait que rageur, la gueule heurtant le paillasson, il casse sa voix en éclats. La colère suffoque les Lepic. Ils s'acharnent debout contre le chien couché qui leur tient tête. Les vitres crissent, le tuyau du poêle chevrotte, et sœur Ernestine même jappe. Mais Poil de Carotte, sans qu'on le lui ordonne, est allé voir ce qu'il y a. Un cheminot attardé passe dans la rue peut-être et rentre tranquillement chez lui, à moins qu'il n'escalade le mur du jardin pour voler. Poil de Carotte, par le long corridor noir, s'avance, les bras tendus vers la porte. Il trouve le verrou et le tire avec fracas, mais il n'ouvre pas la porte. Autrefois, il s'exposait, sortait dehors et, sifflant, chantant, tapant du pied, il s'efforçait d'effrayer l'ennemi. Aujourd'hui, il triche. Tandis que ses parents s'imaginent qu'il fouille hardiment les coins et tourne autour de la maison en gardien fidèle, il les trompe et reste collé derrière la porte. Un jour, il se fera pincer, mais depuis longtemps, sa ruse lui réussit. Il n'a peur que d'éternuer et de tousser. Il retient son souffle et, s'il lève les yeux, il aperçoit par une petite fenêtre au-dessus de la porte trois ou quatre étoiles dont l'étincelante pureté le glace. Mais l'instant est venu de rentrer. Il ne faut pas que le jeu se prolonge trop, les soupçons s'éveilleraient. De nouveau, il secoue avec ses mains frêles le lourd verrou qui grince dans les crampons rouillés et il le pousse bruyamment jusqu'au fond de la gorge. À ce tapage, qu'on juge s'il revient de loin et s'il a fait son devoir. Chatouillé au creux du dos, il court vite rassurer sa famille. Or, comme la dernière fois pendant son absence, Pyram s'est tu, les Lepic calmés ont repris leurs places inamovibles, et quoi qu'on ne lui demande rien, Poil de Carotte dit tout de même par habitude, « C'est le chien qui rêvait ».